Kingston, brown sugar, Pierre Mikanoff, Yux Mopuccino avec un flingue et des roses. ACKRL, le 89.1, notre radio à Québec. Des flingues et des roses, je vois que cette dose te parvient dans le cœur comme un ultimatum. Moi, les ultimatums, là, ça me gargouille. Ça te gargouille? Ben oui, ça me gargouille dans le désir, moi. Oh mon Dieu, comment ça? Ben, on dirait que... Il y a des messages qui passent par mon corps, mais qui n'arrivent pas vers ma bouche. Ah, monsieur, il s'accroche au cœur. Mais c'est ça. C'est vrai. Ça ne veut pas sortir vers le haut, mais ça reste à l'intérieur de mon être. Ah, que de gargouillement, que de présage à involupté qui ne veut pas se désirer à travers vous, très cher. Hey, monsieur, hey, c'est un message d'amour. Non, c'est ben, enfin, un message d'amour. C'est un message qui n'est pas très important selon moi. Là. Ça cache pas grand chose, mais ça cache quand même l'intégralité. Vous êtes monsieur. Mais moi, c'est excusez-moi, monsieur Rénal Gagné. Hein? Je suis né ici et maintenant devant vous, à Errance Rénaldienne, depuis. Vous êtes monsieur. Rénal Gagné. Rénal Gagné, R-A-Y-N-A-L-D, G-A-G-N-A, accent aigu. Vous pouvez me trouver sur Facebook très facilement. Vous pouvez aussi m'écrire, si vous voulez, mon cher monsieur, à Rénal Québec, R-A-Y-N-A-L-D-Q-U-E-B-E-C, à commercial@hotmail.com. Et puis, à part ça, je suis sur MySpace, je suis très spécial, j'ai un site Internet. Vous pouvez aussi connaître davantage de mes intrépides aventures sur CKRL, parce que c'est eux qui m'amènent vers des voluptés qui vous arrivent aux oreilles actuellement. Merci. Merci à CKRL. C'est un moment d'émotion. Merci. Alors donc, bon, à un moment donné, l'émotion, il faut que ça se termine, celle-là. Là. C'est comme la vermine, il faut l'éliminer, l'émotion. Les gens veulent plus en 2010 avoir de l'émotion. Ils veulent vivre des sensations fortes, immédiatement. Hein? Ah ouais, donc, tue-le, là. Boomerang, non, comment t'appelles ça, le squidgie, quand tu tombes en bas d'un élastique, là. C'est un saut périlleux. Oui, un saut périlleux, mais sans élastique. C'est un suicide. Ben voilà, alors, suicidez-vous. Puis là, à un moment donné, le gars qui se suicide, qu'est-ce qu'il dit? Quoi, avant ou après? Après. Il dit rien. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Ben normalement, il ne devrait pas dire « ouch ». Ben non, ben là, tu me dis « avant ou après ». Tu me dis « après ». Après, il dit plus rien. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Ben, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Tout le monde est mort. Ouais, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, elle est mort. Puis même Madame Tremblay, elle est mort. Même si elle se tourne sa sauce à spaghetti, elle est heureuse. Elle s'y dit, « Hey, je veux pas que ça aille rentrer dans il faut que je fasse la sauce à spaghetti. » Oui, madame. On vous applaudit. Elle est mort. Elle tourne sa sauce à spaghetti. Déjà, il est quelle heure, là? Aïe, il est une heure dépassée trop de corps. Et monsieur, et votre corps? Ben, mon corps est très sensible. Oh! À l'humour. D'accord. Alors, si je vous fais l'humour... Ah, oh, je jouirai jusqu'à la fin de mes jours. Oh, d'accord. Alors, sur un souffle... Attention, là, madame... Vous êtes à la radio, c'est KRL, c'est très sérieux, là. Il y a des après ça, là, après moi, là, il y a de la musique. Mais après la musique, il y a une émission très sérieuse de Raymond Poirier. Hein? Avant 9h, tout est possible. Et là, à mon émission, rien n'est impossible. Alors, sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous! Qu'est-ce que t'allais dire? J'allais dire, illuminons-nous! Illuminons-nous! Illuminons-nous, mon amour! Illuminons-nous chaque jour à l'espoir de l'espérance de nous voir enfin givrer, de nous voir à l'expérience d'un mon ami. On comprend pas la fin. Alors, si tous les francophones ne comprennent pas, c'est normal. Même pas un Québécois moyen peut saisir la teneur de cette complexité narrative. Alors donc, sur un souffle, une phrase, voire même un adage, débutera une étrange structure narrative. Allumons-nous cette semaine avec un slogan rénaldien. La longévité évite l'arrogance et constate les méfaits. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la professeure de français de René Meulieu. Oui, René Meulieu. René Meulieu exigeait quand même une attention particulière. Pourquoi? Parce qu'il examinait constamment la langue française. OK, de? D'une petite française qui est arrivée ici à l'école depuis 2 semaines. Oh, ben écoute, c'est un explorateur, hein? Non, premièrement, dites-moi pas écoute, dites-moi écoutez. Écoutez, c'est un explorateur. Oui, mais là, à ce point-là, là, les caries dentaires, c'est pas important pour la langue française. Ben oui, on sait pas, là. Oui, mais la langue française... Qu'est-ce qu'elle a, la langue française? La langue française est très préoccupée par elle-même. Par elle-même? Par la langue française. Là, la longévité. Ben, la longévité se cache dans la langue française. Pourquoi? Au Québec, surtout. La loi 1318, 1315, 1318, pas chez pas vos cartes. Hey, on veut toucher à notre langue française au Québec. C'est abominable. Incroyable. Il faut extirper le gouvernement qui veut éliminer la langue française. Hey, ils nous demandent, ben, en fait, ils disent aux jeunes enfants, aux étudiants, ben, si vous voulez étudier en anglais, il n'y a aucun problème. Hein? Le Québec est ouvert à tout ça. Hey, au Québec, là, il y a 2 langues intermédiaires. C'est l'anglais et le français. On ne maîtrise aucune des deux. Quand j'arrive en France... premièrement, là... Ben, arrête la premièrement. OK. Il y a quelques semaines, j'avais préparé un petit voyage avec un collègue à moi. Je dirais pas son nom. Puis là, je disais, hey, écoute, là, ça marche. On devait aller en Allemagne, puis ça fonctionnait pas. Ça coûtait trop cher. Je dis, hey, on va aller à Paris. Oh, je suis déjà allé à Paris, puis... On comprend pas. Ben, comment ça? Je demande des sandwichs, mais... Hey! Non, il me dit, je demande des sous-marins. Bon, mais des sous-marins en France, ça ne dit rien à personne. Tu demandes des sandwichs. Mais oui, mais c'est des sous-marins. Hey! Chaque endroit a son lexique. Si un Français arrive ici et te demande un sandwich, tu vas lui offrir un sandwich. Puis là, il va dire, ouais, mais il y avait un sandwich en bas. Mais ici, au Québec, c'est pas des sandwichs, ça, là. C'est des sous-marins. C'est un pain long, comme une baguette coupée en deux, avec de la garniture. Alors, pour nous, c'est pas un sandwich, alors. C'est un sous-marin. Mais en France, là, un sous-marin, c'est un sandwich. Puis là, il était frustré par ça. Puis il voulait pas aller en France parce qu'on lui avait offert un sandwich quand il a dit un sous-marin, puis il comprenait pas. Qu'est-ce que vous dites? Ben, je vais prendre le sous-marin qui est là, là. Qu'est-ce que vous dites? Le sous-marin qui est là. Ah, le sandwich! Ben, sandwich, c'est le sandwich. Ben oui. Eh oui, c'est ça, le voyage. C'est d'acquérir des nouvelles informations. Chez nous, un sous-marin, on sait ce que c'est. Là-bas, faut pas dire ça, faut dire un sandwich. La longévité évite l'arrogance et constate le méfait. Le méfait, c'est quoi? C'est l'ignorance. Puis plus on ignore, puis on... Attends. Plus on ignore, puis moins on veut en savoir. We'll be right back. aujourd'hui encore, elle ne fait jamais de scène. Non, surtout pas. Depuis 68, elle n'a jamais fait de scène. Ouais. C'est parce qu'elle trouve que si un jour elle monte sur scène, elle veut que ça soit extravagant, la Johnny Hallyday. Non, c'est parce qu'elle se trouve mauvaise sur scène. Ok. Ah, mais parce qu'elle disait aussi qu'elle voulait avoir beaucoup d'enveloppes. Ça, je crois pas. Je crois pas que ce soit la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'elle se trouve mauvaise sur scène. Et déjà, elle a beaucoup de complexes vis-à-vis de ses qualités musicales. Et sur scène, elle a jamais su quoi faire de son corps. Okay. Elle se mettait devant un micro et elle estimait que. Elle est American non plus, hein. Ouais, voilà, mais disons que. Françoise Hardy. Elle acceptait John Burton. Voilà. Contrairement elle à l'accepte. Alors que Françoise Hardy, ce qu'elle aime aller voir sur scène, c'est les Rolling Stones, c'est Johnny Hallyday, des gens qui bougent beaucoup. Et comme elle ne sait pas faire ça, bah elle a décidé de plus monter sur scène. Question, est-ce qu'elle est encore avec George Strait? Alors leur histoire, ça c'est assez intéressant aussi. Oui, hein. C'est qu'en fait, il y a une sorte de gentleman agreement entre eux. Ils habitent jamais ensemble. Ils habitent ensemble, mais ils habitent un triplex. C'est donc ça. Ils ont chacun un étage. Encore aujourd'hui. Okay. Et il y a un étage où ils se retrouvent. Oui. Où ils déjeunent, où ils dînent ensemble, où ils prennent leur repas. Qui t'aiment plus ça ensemble. Mais ils ont chacun leur étage. Okay. Avenue Hoche. Okay. Voilà, dans les beaux quartiers. Et ils ont un étage pour se rencontrer. Ok. Et ils sont encore ensemble. Ils vivent ensemble et ils peuvent pas se passer l'un de l'autre. C'est. Mais ils sont plus un couple dans le sens. Dans le sens mari et femme, comme on l'entend. Okay. Ils sont beaucoup plus. Ils ont chacun vécu de leur côté, ouais. Ok, ouais, donc ouais. Ils se croisent un peu. Ouais, et si tu veux, ils se sont dit que de toute façon, ils finiraient leur jour ensemble. Okay. Que voilà, ils ont eu des aventures, ils ont vécu avec d'autres hommes, d'autres femmes. Ok, qu'ils finiront leur jour ensemble, ouais. C'est... Entre eux, ils peuvent vivre des aventures dans chacun ouais. dans leur. Et ils l'admettent, ils le reconnaissent. En fait, c'est. Mais ils peuvent pas se passer l'un de l'autre, malgré tout. KRL. Cultive tes goûts. Nous venons d'entendre Roadrunner avec Surfing Carmen, Jeremy Keller qui surfe avec moi sur les mots, et Electric Prune avec World to the Blackness. Et tout ça, c'est KRL. Oui, mais je crois que monsieur, le prononciateur, les gens n'ont pas très bien compris. Alors, je répète d'une seule bouche. Roadrunner avec Surfing Carmen, Pierre Mikhalov, et Electric Brunes avec World of Darkness. Ah ben là, les gens ont trop bien compris, là. Là, actuellement, là, je ressens que Mme Thibodeau va pleurer, là. Mme Thibodeau, ça va bien? Ben, c'est une très belle émission depuis le départ et je sais pas comment m'arrêter. Qu'à arrêter de rire. Ah, oh, vous riez? Je ris! Ah, oh, mon dieu. La Rotary rit. La Rotary Siri. Non, la Rotary. La Rotary. Oh, mon dieu, ça va être plus. C'est la hey, deux drinks, madame Tremblay. Oui, madame Tremblay. Oui, madame Tremblay. Oui. Êtes-vous en forme, madame Tremblay? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Deux drinks. On va répondre. Allô, monsieur? Ah, bonsoir, le monsieur, c'est madame Tremblay. Oui. Madame Tremblay, voulez-vous me dire bonjour? Bonjour. Merci, madame Tremblay. Pas compliqué ici, hein? Bon. Bon, non, ça frappe. Mais non, c'est comme au théâtre, ils vont dire théâtre, allez mon nom. Ce soir, place au théâtre de la variété. Nous allons vous éliminer avec la grande chatte de Berbère. Donc, action, première édition. Merci au public d'être venu. Vous êtes 3-4. Nous vous avons repéré quelque part dans la salle. Des lumières que l'on appelle chez nous la poursuite. La poursuite, ils vont nous attaquer. Vous attaquera de leur lumière pour vous prendre sur le fait de l'humour instantané. Il faut rire. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Les à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant, et c'est Zima Zimmerman. Qui est? Voyante. Bonjour, Madame Zimmerman. Bonsoir, mon cher monsieur François. Reculez. Bonsoir, non, reculez. Bonsoir, mon cher monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes une lumière. Je suis une... Non, reculez. Je suis une lumière, oui. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui nous arrivera, nous, à Errance Rénaldienne? Reculez. Errance, excusez-moi, moi, j'ai pas de distance, moi, là. Je sais pas comment faire. Ouais, mais, hey. Lorsque je vous dirai, vous êtes trop fort. Je suis trop forte, oui. Beaucoup trop forte de taille et de voix. Je suis un médium. Oui, extra large, vous, là. Madame Zima. Zima la douce. Oui. Madame, reculez-vous. Je me recule. M'entendez-vous? On vous entend très bien, madame. Bon, merci, monsieur Grenier. Gagné. Eh, monsieur, vous êtes une voyante? Ben, je vois pas grand-chose dans votre carte du ciel, moi, là. Attendez que la carte s'éclaire. Bois clair de bois clair. Il n'y a que de la lune et aucune étoile. Donc, l'avenir pour vous est très limité comme votre cerveau immédiatement. Si je consulte les cartes de votre ciel, le 12 est en Verseau, le triangle est dans les Bermudes et l'extaposition est dans le désert de la Brahma. De la Brahma. Non, du Sahara. Non, de hey, c'est qui la voyante? C'est-tu Zima? C'est Zima. Et puis Zima, si elle veut qu'il s'approche... Si elle veut s'approcher du micro, elle s'approchera. Oui, Zima. La grande Zima, c'est moi. Oui. M'excuse infiniment, la grande Zima. Je suis la grande Zima. Oui. La très grande Zima. Oui. Le médium extra large. La plus large que médium. La plus large que médium. Je suis très large. Oui. Dans mes idéaux et dans mes conceptions de l'humanité, je vous dis que vous allez terminer très bientôt votre succès intermédiaire avant de extrapoler dans l'univers sidéral du succès contemporain et universel. Est-ce que vous avez bien entendu, là? Avez-vous capté, M. Tremblay, là? On sait pas, là. On n'a pas le tuyau numéro 3, le crayon numéro 4 et le micro numéro 7. Ça n'a rien qui fonctionne. On vous a pas entendu, madame. Pouvez-vous répéter? Non, moi, je suis instantanément branché sur les médiums. Oui, mais vous qui attendez, vous, c'est l'émotion. Vous qui êtes médium extra-large. Oui, mais extra-large dans la mesure où je peux capter tout. Mon derrière n'est qu'une minceur vis-à-vis mon arrogance intellectuelle. Et monsieur, méchante arrogance. Oui, méchante arrogance. Je suis les Imna, grande surnaturelle de notre monde contemporain qui ne cherche que des structures destructrices pour l'humanité contemporaine. Je veux lui... Je veux la... Jim Morrison! Come on. One more. Five to one, baby. One in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby. I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. Shadows of the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand, trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of gonna make it, baby, in our prime. Come together one more time. Love my girl. She looking good. Looking real good. Love you. Come on. Mais c'est assez avant-gardiste parce qu'aujourd'hui on peut appeler ça. ça, comment on peut appeler ça, une sexualité ouverte, une sexualité? Bah, c'est encore plus compliqué que ça, parce que... Humour libre, c'est ça, l'humour libre? Amour libre, ouais, mais... L'humour, non, mais de l'amour ouais. Je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est plus codifié que ça. C'est pas libre. Je crois que c'est assez codifié, justement. Okay. Mais ils ont le droit de rencontrer qui veulent. Voilà. Et pourquoi tu t'es un jour. Mais en ordre chronologique, c'est François Sardi. Ensuite, c'est qui? Non, chronologiquement. J'ai d'abord fait le bouquin sur Taxi Girl. Ok. Qui n'est pas encore paru, c'est ça? Si, qui était paru en 2008. Okay. En 2008. Et ils ont. L'éditeur a fermé ses portes. Oui, il a fermé ses portes fin 2008. Ok, donc il n'y a pas eu une grosse. Non, il n'y a pas une grosse diffusion, okay. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, ça s'est comme étouffé, et tu as fait un autre livre, c'est ça? Ouais, mais alors attention, le Taxi Girl, c'était quand même déjà mon quatrième livre. Mais... Parce que j'ai commencé par un recueil de nouvelles. Ok. Des nouvelles de... Alors, ça s'appelait Somme cliché, une enquête sur la disparition du rock'n'roll. Mais c'est toujours la musique, hein? C'est toujours la musique, ouais. Okay. Ouais. Ce recueil, je l'ai fait au moment où j'ai arrêté de faire de la musique. Et, c'était un peu pour exorciser la mort que tu avais donnée à la musique. Ouais, voilà. Et puis la mort aussi, d'une certaine façon, de faire de la musique. En France? Ouais, mais ça, pour moi, ça remonte... Le moment où ça devient une industrie, c'est vraiment les années 80. Empaffer la lune, décrocher les étoiles, foutre l'orage partout. Mettre l'enfer au ciel, raser les arbres ou bétonner la mer et rigoler. Nucléaire. Et pourrir tout, pourrir. Oh, oh, mauvaise humeur. Décorer les dealers, étrangler les oiseaux, bouffer du bébé phoque. Tout salir le ciel bleu, bousiller tout ce qui bouge, suicider les enfants, aplanir les montagnes, engloutir Venise, ricaner intégriste, bavarder Gestapo. Conseiller l'arsenic et pourrir tout, pourrir. Oh, oh, mauvaise humeur. Oh, oh, mauvaise humeur. Embrasser les prises électriques, faire des enfants aux putes, applaudir les cyclones, le suicide pour seul espoir, les égouts dans la nature, le dégoût dans ma nature, pardon pour ces visions, c'était un peu de... Mauvaise humeur. Oh, oh, mauvaise humeur. Oh, oh, oh, mauvaise humeur. Oh, oh, oh, mauvaise humeur. CKRL. Cultive tes goûts. Hey, c'était The Doors avec In the Doors 521, Pierre Mikolov et Jacques No. Mauvaise humeur à l'antenne de CKRL, la radio qui résonne tant de sonorités extravagantes pour vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Nous plaçons, oui, merci. Nous plaçons sur l'avant-scène un citoyen qui viendra nous raconter sa vie, son passé et quelques instantanés de son existence. Ouais. Plaçons sur les projecteurs aujourd'hui. Attendez, là, ça le demande. Quelques secondes de réflexion. Pourquoi? Nous laissons Mme Linda nous parler de son activité extrêmement hors norme, puisqu'elle est prostituée. Alors, madame, présentement, je fais une émission, mais je sais pas, là, vous vous appelez Linda, n'est-ce pas? Ouais. Sors-tu à soir? Oui, je vais sortir pour prendre l'autobus, pour prendre un taxi. Mais vous avez fait le métier, premièrement, vous faites le métier depuis déjà 33 ans. Quelle est votre phrase fétiche lorsque... Sors-tu à soir? Oh, OK. Est-ce que quel énoncé vous apporte le plus de dollars, là? Sors-tu à soir? Ah oui. Oui. Et lorsque vous croisez un mec sur les trottoirs, qu'est-ce que vous lui posez comme question? Sors-tu à soir? Est-ce que ça fonctionne à toutes les fois, à chaque fois? Ça, j'en suis un peu moins convaincu. Répondez pas, madame. Répondez pas. Et j'aimerais quand même sincèrement, là, vous êtes une femme qui, à chaque soir, vous... Sors-tu à soir? Vous sortez le soir, oui. Tous les soirs. Et êtes-vous essoufflé de sortir comme ça? Sors-tu à soir? Je peux pas ne pas sortir, là. Oui, je vais sortir, là, mais je sais pas si c'est avec vous. Mais normalement, ça devrait être sans vous, là. Est-ce que c'est gratuit, là? Sors-tu à soir? Oui. Oui. Et vous, est-ce que vous sortez ce soir? Sors-tu à soir? Bon, OK. Moi, normalement, là, tous les citoyens qui nous écoutent sortiront un soir. Est-ce qu'ils vont se demander une question? Sans doute que oui! Comment ça? Ben, je crois que tu viens de lancer quelque chose d'intéressant. Bon, le philosophe. Ben, écoutez, moi, je fais une sociologie de la prostitution juvénile dans l'industrie de la capitalisation comestible. Oui. Alors donc, comment vous dites? Non, vous avez dit juvénile. Oui, mais juvénile, mais aussi extra-juvénile. OK. Et mon intérêt actuellement, c'est extra-juvénile pour votre émission Errance Naldienne. Oui. Parce que nous voulons pas vous mouler dans l'eau chaude. Oui. Nous rouler dans l'eau chaude. Vous nous roulez dans l'eau chaude. Non, on ne veut pas vous rouler dans l'eau chaude, OK. Alors, nous allons demander à la demoiselle, bonjour demoiselle, qu'allez-vous faire ce soir? Sors-tu à soir? Oui, nous sortirons ce soir, et vous, est-ce que vous allez... Sors-tu à soir? Oui, nous allons sortir, comme vous, madame. Madame, vous êtes extrêmement extravagante, et nous vous disons bravo, vous gagnez un échelon, on ne sait pas si vous allez aller plus loin, mais bravo! On vous aime! Et c'est le plus vieux métier du monde, la prostitution à CKRL, l'errance rénaldienne. On vous le divulgue, vous le saviez déjà, mais c'est comme une petite un petit rappelez-moi ce que c'est que l'humanité depuis le début. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est aussi ça. Puis ben d'autres démêlés au niveau des mœurs, au niveau des idéaux et au niveau de la propagande anarchiste. Pour moi, la mort de la créativité, elle se passe dans les années 80. Et tu déplores ça aujourd'hui? Et puis, j'ai mis du temps à m'en apercevoir. Et ce petit bouquin, là, Somme Cliché, il fait un petit peu le bilan de tout ça. J'ai pris 45 tours, comme ça, qui m'avaient marqué à différentes époques de ma vie. Et j'ai divisé le livre en trois parties. Alors, il y a l'âge de l'innocence, où c'est mon innocence à moi et c'est aussi l'innocence du rock'n'roll, et je raconte des histoires comme ça sur l'âge innocent du rock. Sur quelle chanson? Alors il y a de tout, il y a Rectangle de Jacques No, il y a une chanson d'un petit groupe français qui s'appelait Les Knights, qui avait une très belle chanson pop aussi, qui a dû se vendre à 500 exemplaires, mais qui était magnifique, très pure. Il y a Bijoux, Betty Jane Rose, composé par Gainsbourg. C'est de la pop aussi, c'est de la pop, power pop. Ok. Voilà. Les papillons, ils ont repris les papillons noirs aussi, ouais. Ok. Et Betty Jane Rose, ça avait été écrit sur mesure par Gainsbourg. Ça, c'est. Ils l'ont peut-être repris, mais c'est-à-dire que. Non, Gainsbourg l'a chanté avec eux. Oui, c'est ça. Ouais. Sur scène. Au Palace, c'est. Le groupe allait rejoindre Gainsbourg au Palace. Non, c'était à Mogador. C'était à Mogador. C'est Gainsbourg qui est venu rejoindre sur scène Bijoux au théâtre Mogador. Oui. Et puis, par la suite, mais pourquoi tu t'es intéressé à l'anglaisier? Est-ce que c'est avant ou après les événements? Alors, oui, c'est après, parce que le livre, je l'ai écrit en... Je l'ai commencé fin 2008, le livre. Je me suis intéressé à Nordazir parce que c'est le seul groupe français qui est un petit peu important, qui soit apparu depuis les années 80, qui ait duré, qui a une vraie œuvre. Qui a une vraie œuvre qui s'est arrêtée net, qui a été tuée dans... C'est quoi de dire ? Voilà, qui a été tuée, pas tuée dans l'œuf, mais qui s'est arrêtée net et qui était partie pour... Pour la gloire, comme disait une de ses chansons. Ouais, et puis pour une certaine évolution, dans une certaine direction, qui allait un peu vers plus Bachung. Techno, ouais, plus techno. Ouais, parfois dans les arrangements plus techno, ouais. Mais dans les textes, ça allait vers Léo Ferré, vers, oui, chaud, ça prenait... Il reprenait des chansons, les arbres... C'était un texte inédit de Ferré, ouais. Donc il y a ce parcours, et puis en même temps toujours, il y avait des points communs avec mon propre parcours, parce qu'on a commencé à peu près en même temps Les Désaxés et Noir Désir, et ça m'intéressait de faire le parallèle entre un groupe qui marche et un groupe qui ne marche pas. Et essayer de comprendre pourquoi des artistes ont du succès et d'autres n'en ont pas. Le charisme. Et il y a plein de choses. Il y a le charisme, mais il y a surtout, avant tout, c'est la volonté d'y arriver. Es gibt nur einen Idioten. Es gibt nur einen Idioten. Und durch irgendeine Lücke, durch irgendeine Lücke, dringt er immer wieder ein. Ich kann Es gibt nur diesen Idioten. Und durch irgendeine Lücke, durch irgendeinen Spalt, dringt er immer wieder ein. Hier kommt der große Zampano. Der hat irgendwie das Loch kapiert. Ich verstecke mich in meiner Nische und war völlig ungeniert. Dass er den einzigen Idioten endlich mitnimmt. Und will er nicht von alleine gehen, dann helf ich ein bisschen nach und geh am Ende mit. CKRL Cultive tes goûts. La marbre Isaac Hayes avec Ron Ferron. Je tiens à dire à tout le monde qui nous écoute actuellement, les gens qui nous écoutent ce soir à CKRL, cette nuit surtout, parce qu'il est très tard là, ben oui, tous les têtards sont très tard. Oh mon doux Seigneur! Alors, si on illumine tous les têtards, il est trop tard pour les compter. Oh mon Dieu. 1, 2, 4, 12, 18, l'indéfini. Il est presque la fin. Nous sonnons. Fring, fring, fring. On sonne, hein? Fring, fring. Allô, Madame Tremblay? Bonjour, Monsieur Simoneau. Comment ça va? Ben, je tiens à vous dire, Madame Simoneau. Monsieur Tremblay, Madame Goulot. Madame Bolli, En 2011, là, je crois que Anjanzan de Nobatan fera partie intégrante de notre émission. Nous entendrons pendant 52 semaines, peut-être une pièce, même deux, quelquefois deux dans 52 semaines. Ça, c'est de l'abus de Hanchantan dans nos bâtons. Ben oui, c'est l'in... Oui, c'est... oui, monsieur, madame. Vous êtes madame? Je suis monsieur. Monsieur, vous êtes monsieur? Nous sommes madame. Vous êtes madame? Nous sommes très peu. Vous êtes très peu? Très peu madame. Très peu madame? Très peu monsieur. Monsieur, madame. Mesdames, messieurs. Monsieur, madame. Mesdames, messieurs. Hanchantan dans nos bâtons. Arrête-moi, petite feuille, de bouger d'être là. Les gens voient pas, mais la feuille, elle fringue. Arrête de fringuer, maudit tabarnak. Aishamanaya no shono, wanamanaya la maru, wapanapa, wapapa, wapanapa, wapapa. Oui, malamaya, swing à temps, tu m'aideras, mais tu chevras. Tu l'as pas, papa, tu l'as ça, tu l'as pas, tu l'as ça, tu l'as passé toute, sans en boire une goutte. Viens chamer à Rodemané, car les fausses amines, la monnaie à mon sermet, ça mène aux mamines. La main, ça me le mène pour se préserver le moineau. On se préserve le moineau, là. C'est le moineau, c'est envolé. À moineau, moineau, c'est à moineau, moineau. La moineau, moineau, la moineau, moineau. Y'a la gonneau, non, non. Le moineau, non, le moineau. Frise le moineau, frappe le moineau. Cote le moineau, à moineau. Dans le condo, y'a des moineaux. Dans le moineau, sans ligne. Que le moineau a conservé pour planter sa vigne. Il se veut faire un vaisseau pour se réserver de loup. Il a popopo, il a so. Il a ça, il a pas ça toute, sans en boire une goutte. Vieux soleil et bonhomme, car il est chelingue. Quel bon Dieu a conservé pour planter sa vigne. Il se pauvre. Les gens ont rien compris depuis 15 secondes. De la nouveauté, oui. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait du septième art. Non, t'es pas capable de le dire. Oui, cinéma de rêve. Tu fais souvent du cinéma, toi? Mais je dis à Marlène, Marlène, je suis en panorama. Je fais de la cinématographie. Ben, c'est comme ça. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique. Et enchaînons sur l'inspiration et la transpiration du moment. Ça sent, monsieur, ça sent la swing. Aujourd'hui, nous incrusterons sur la surface écranique. Qu'est-ce que tu fais? On creuse sur la surface écranique. Monsieur Joseph est un téléfilm franco-belge de 90 minutes, réalisé par Olivier Langlois en 2006 et diffusé, bien sûr, un an plus tard, en 2007. Voici l'extrait. Et on se tait. Puis on écoute. L'impro suivra après. C'est comme ça. Y a pas d'autre. Voilà. Ça, c'est le train. On prend toujours un train pour quelque part. Au bout du quai, prendre les gants, les au revoir. On prend... Elle travaillait chez moi. Elle était douce, fragile. Elle était gentille. J'ai eu envie de l'aider, ouais, de la protéger. Je voulais pas qu'elle s'en aille. Voilà. J'ai essayé de lui enseigner l'amour des livres. Hein. Je pensais qu'elle pourrait prendre la suite. Ouais. Ça l'a pas intéressé. Ben oui, pauvre mec, il n'a pas... Ah, pauvre mec, elle n'a pas pris la suite. Elle a pris la fuite. C'est normal. Tu l'as intimidée par tes connaissances trop générales. Elle qui était trop approximative. Comme toutes les peuplesses qui nous illuminent ce soir. Petit mec, tu apprendras qu'un jour, il ne faut pas labourer trop lourd. Il faut seulement amener en surface la connaissance pour tranquillement creuser l'amour éternel vers l'infini. L'infini. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend par des coups de poing sur la gueule, des coups de poing sur la bouche. Les coups de mots qui ne se réserveront jamais parce que tu es un homme de mots, mon petit. Petit, viens ta petit. Hey, t'appelles-tu le moineau ou le poète? Mais c'est la même chose, hein. Petit, viens ta petit. Ah, moi, ça sent le poète. Non, moi, ça sent le moineau. Le moineau ou le poète? Le poète est dans le moineau. Le poète est dans le moineau. Le moineau est dans le poète. Le poète est dans l'amour. L'amour est dans le veil, mal et non, mal idée. L'amour est dans le main, mal et mon bon. Ben non, le moineau est dans le poète. Moi, je... Attendez, là. Il y a des femmes qui sont poètes. Non, elles sont poétesses. Poétesses. Et les poètes? Elles sont poètes. Alors, il y a le moineau dans le poète. Oui, mais il n'y a pas de poétesse dans le moineau. Quoique, je crois que l'Aziza Zabé, elle a le moineau dans le poète. L'Aziza Zabé a le poète dans le moineau, oui, mais elle a l'airant dans le moineau. Elle le mène au bout du nez et ce nez-là se répercute jusque dans ça! Dans ça! Dans ça! Dans ça! Dans sa loge! Aussi. Elle a une loge très, très, très éclairée. En même temps que tout le reste. Qui est tout le reste? Mais qui est... Les voyages forment la jeunesse, c'est du moins ce que l'on m'a dit. Et si j'ai traîné mes fesses, c'est pour vous en parler aujourd'hui de ces pays, de ces paradis qui ne sont vraiment pas mieux qu'ici. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à bord du superbe caravelle Caramel DC-8 Air France, en direction de l'aéroport international d'Orly. Ici votre capitaine Johnny McDougall et son équipage, qui vous souhaite la bienvenue on board. Nous espérons que vous allez passer à Paris un pleasant week-end, à faire du footing, du cycling, du camping et beaucoup d'autres choses, et qui finissent en ing. Nous allons voler une vitesse de croisière supersonique et une altitude de 50 pieds. De cette façon, vous pourrez admirer de plus près nos magnifiques gratte-ciels parisiens. Si par un pur hasard, il y avait à bord des Québécois, pour mieux se situer, en plein centre de Paris, se trouve située justement la Tour Eiffel. C'est très facile à reconnaître pour les Québécois. C'est comme un gros poteau de l'Hydro-Québec. Veuillez ajuster vos ceintures et vous abstenir de fumer. Mesdames et messieurs, voici l'aéroport international d'Orly et la France. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, oh, oh, oh. Viens, poupoule, viens, poupoule, viens, nous allons se balader du côté de Saint-Germain. Oh, viens, poupoule, viens, les voyages forment la jeunesse, c'est du moins ce que l'on m'a dit. Et si j'ai traîné mes fesses, c'est pour vous en parler aujourd'hui. De ces pays, de ces paradis qui ne sont vraiment pas mieux qu'ici. Oh, hello! Welcome aboard Viking 408, Foreign Royce Motors, to purchase by Her Majesty the Queen Elizabeth II, and to by the Abbey of Westminster. This is your captain, Robert de Pompidou, and his crew, welcoming you on board. We shall be flying at an altitude of approximately 25,000 feet. And believe me, good lord, this is high. Oh, this is a British joke, and a bad one too. England, here we come. Hey, Jude, don't let me down. Take a sad song and make it glad. Les voyages forment la jeunesse, c'est du moins ce que l'on m'a dit. Et si j'ai traîné mes fesses, c'est pour vous en parler aujourd'hui. De ces pays, de ces paradis qui ne sont vraiment pas mieux qu'ici. Bienvenidos, aeronaves de Mexico, en direction de Santa Sacramento. Le capitaine Diego Ostide Ramirez, equipaggios, que c'est bienvenidos à bord. Io ci vuoi sia girata in attenzione che tu che arriva una certa attitudine come se cosa che ne vuoi se salvasse tu salvasse con sacrità son salvasse per favore che si considera usi ne questa acqua su ne si cosa vuoi se si c'era ma se vuoi accendate in santura e standrate di fumare signore e signoritas aeroporto internazionale de Mexico Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera. Voyage forme la jeunesse, c'est du moins ce que l'on m'a dit. Et si j'ai traîné mes fesses, c'est pour vous en parler aujourd'hui. De ces pays, de ces paradis qui ne sont vraiment pas mieux qu'ici. Mesdames et messieurs, bienvenue au bar du Québec. Ici votre capitaine, Mario Macaroni, vice-admiral, qui vous souhaite la bienvenue. Là, là, on est à bord d'un DC-8, qui sera très bientôt décédé. Il n'a été repeinturé que 125 fois depuis la dernière guerre mondiale. Aussitôt après le décrotage, aussitôt après le décollage, nous servirons les bines et les pourpoids, et si les moteurs le permettent, nous allons nous aligner en direction de Forestville, Bécomo, Sept-Îles, Haute-Saint-Pierre, Natashquan et Gilles Vigneault. En attendant, mesdames et messieurs, nous vous prions de ne pas avoir pris vos bouteilles vides et ne pas molester le thème de notre stewardess de l'air. Nous venons de recevoir les plus récents bulletins de la météo, Canadien Mentor au Forum de Oiseau contre les Blackhawks, et les frères des écoles chrétiennes de Chicoutimi ont enfoncé violemment l'Immaculée Conception de cette île de justesse 51-0. Ainsi, les derniers bulletins de la météo. En attendant, mesdames et messieurs, j'ai prié d'attaquer vos ceintures du Gagnon, les autres n'y vont pas le bar en avant. C'est beaucoup plus difficile que ça. Nous vous rappelons aux passagers de deuxième classe qu'ils débarqueront 15 minutes avant les autres. En attendant, je l'ai remarqué dans le dossier du petit siège en avant, il y a comme des petits sacs blancs. J'espère que tout le monde, vous savez quoi c'est faire ces petits sacs blancs-là. En attendant, il y a la tienne énorme assez généreuse maintenant, mais hein, mais sans mal que le diable, moi, là. Québec, t'es ma patrie. Québec, berceau de nos aïeux. Québec, nous donnerons nos vies pour que tu restes glorieux. Les voyages forment la jeunesse,

la semaine prochaine. Ouh, la semaine prochaine. Ouh, errance canadienne. Ouh, la semaine prochaine. Ouh, errance canadienne. Vous pouvez m'écrire aussi. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC à commercial hotmail.com. C'est le puits. Rénal Québec à commercial hotmail.com. KRL. Cultive tes goûts.